Je suis en tombe, rider ski se lève. Suis pas ici pour plaider, suis ici pour que le monde entende. J'estrie mais sans masque. J'ai parlé sans filtre, j'ai vécu chaque pixel comme un feu sacré. Et maintenant vous me jugez. Tu es appelé. Je n'ai pas demandé la gloire, je n'ai pas cherché vos clics, mais j'ai offert ma voix, ma chair, mes nuits à l'autel du jeu. Et vous, vous scrolliez pendant que je brûlais. Mais qui es-tu pour parler? Je suis Ryder Skill. Il a tenu quand les autres ont fui. Tu as raillé, tu as dominé, tu as humilié. Tu as refusé les règles, tu as crié plus fort que les dieux. Regardez ma condamnation. Regardez-moi, souvenez-vous. Et baissez les yeux. Ryder Skill, Ryder Skill, Ryder Skill. Tu es condamné. Ce monde qui se monde à jamais. Le stream est mort, mais le stream est mort, mais Ryder Skill est vivant.